الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين، أما بعد، فما زلنا في ذكر قصص أو قصة إبراهيم عليه السلام، وقد سبق الكلام على faut augmenter le son probablement. وقد سبق الكلام في ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى من فضائل نبي الله إبراهيم عليه السلام، وهكذا قصة إبراهيم عليه السلام في دعوته لوالده آزر، ورأينا كما أحسن الخطاب والآداب وذكر الحجج والبراهين عليه السلام. Donc hier, nous avons commencé l'étude de l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Nous avons vu combien Allah subhanahu wa ta'ala lui a, yani a élevé sa place et a fait ses éloges dans le Coran. Aussi, on a vu comment est-ce qu'il s'est entretenu avec son père lorsqu'il l'a appelé à l'islam et qu'il a fait preuve du meilleur comportement et a cité les manquements et défauts de ses fausses divinités afin de démontrer que le seul à mériter entièrement toute l'adoration était Allah subhanahu wa ta'ala. C'était là qu'il n'est pas droit. Non, il n'est pas droit, il est à côté. Il est à côté. Ça tombe pas de nous. C'est bon, on entend bien, Inch'Allah. واليوم إن شاء الله تعالى نذكر دعوة إبراهيم عليه السلام لقومه أهل بابيل. Et aujourd'hui, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons citer l'histoire d'Ibrahim lorsqu'il s'est adressé à son peuple pour les appeler à l'islam et à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous a cité cela dans plusieurs endroits du Coran, notamment dans Sourate Al-Anbiya, la Sourate les prophètes, verset 51, ainsi que Sourate Maza As-Saffat. Tayyib. Faqala subhanahu wa ta'ala: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. Allah nous dit: en effet, nous avons mis auparavant Ibrahim sur le droit chemin. من قبل أي من قبل موسى عليه السلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن سياق الآيات هكذا. Allah nous dit: en effet, nous avons mis auparavant Ibrahim sur le droit chemin. Yani min qabl, avant, c'est-à-dire avant Moussa alayhi salam et avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Du fait que avant l'histoire d'Ibrahim dans cette sourate, Allah nous a parlé de Moussa et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa kunna bihi alimin, et nous en avions une bonne connaissance. Allah a'tahu al-khayr al-kathir واصطفاه وأعطاه الصفات الكريمة واصطفاه وأعطاه الرشد منذ صغره لعلمه أنه أهل لذلك وكنا به عالمين أي كان أهلا لذلك لذكائه وذكائه. Et nous en avions une bonne connaissance. fait qu'Allah Azza wa Jalla a accordé à Ibrahim alayhi salam de nombreux bienfaits et lui a donné les meilleurs caractères, le meilleur comportement, l'a choisi et élu, et cela depuis son plus jeune âge. Et Allah Azza wa Jalla savait qu'Ibrahim alayhi salam allait être à la hauteur des épreuves qu'il allait rencontrer, de la mission qui allait lui être confiée. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي تمثلوها أو مثلتموها بأيديكم. Quand il dit à son peuple, que sont ces statues auxquelles vous vous attachez, ces statues que vous avez faites donc de vos propres mains, que vous sculptez de vos propres mains. اللتان تم لا عاكفون أي مقيمون على عبادة ملازمون لها. Donc ils restaient très souvent auprès de leur fausse divinité. Et l'i'tikaf c'est une ibada. طيب prenez le téléphone qui est là. Et l'i'tikaf c'est une ibada. Donc la personne qui fait cela, elle voit un culte à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il restait auprès de ses statues, les adorait et recherchait la bénédiction, alors que la bénédiction provient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans sourate Al-Shu'ara, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. Dans surat al-Shu'ara, les poètes Allah Azza wa Jal nous dit et récite-leur la nouvelle d'Ibrahim quand il dit à son père et à son peuple, qu'adorez-vous donc? C'est une question qui a pour but de les réprimander, de les amener à la raison. Ibrahim alayhi salam sait ce qu'ils adorent. Al-Asnam al-Batila التي لا تستحق العبادة. Ibrahim alayhi salam sait qu'ils adorent de fausses divinités, des idoles qu'ils ont sculptées leurs propres mains, et que tout cela ne mérite aucunement l'adoration. قالوا نعبد أصناما. Ils ont répondu, nous adorons des statues. فنظل لها عاكفين. Et nous leur restons attachés. قال هل يسمعونكم إذ تدعون. Ibrahim alayhi salam leur a posé des questions afin de leur faire da'wah et de les ramener à la droite. Premièrement, هل يسمعونكم إذ تدعون. Lorsque vous les appelez, est-ce qu'elles vous entendent? أو ينفعونكم أو يضرون. Ou vous profitent-elles ou vous nuisent-elles? قالوا. La réponse qu'ils ont apportée à ces trois questions. Bel wajadna aba'ana kadhalika yaf'alu. Qalu bel wajadna aba'ana kadhalika yaf'alu. Ibrahim alayhi salam leur a pas demandé cela. Il leur a demandé, est-ce qu'elles vous entendent lorsque vous les appelez? Est-ce qu'elles peuvent vous être profitables ou bien vous nuire? Eux ont répondu, mais on a plutôt trouvé nos ancêtres qui les adoraient. Pourquoi n'ont-ils pas répondu à la question? S'ils répondent, elles n'entendent pas, ne sont ni profitables ni nuisibles, alors la question qui suivra est, pourquoi est-ce que vous les adorez alors? Mais ils n'ont pas voulu se mettre dans cette mauvaise posture. Alors ils ont répondu qu'on a trouvé nos ancêtres en train de les adorer. Et ça c'est la hujja batila d'Al Mushrikoun. Et ça c'est la fausse preuve des associateurs, comme le Qawm, le peuple de Houd, le peuple de Saleh, et ainsi de suite. Et le peuple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le Munavara, dans le débat, cela s'appelle Al-Haïda, c'est le fait d'éviter de répondre et de passer à un autre sujet qui n'est pas en rapport direct avec la question. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلوا. هذه هي حجة المشركين. فإبراهيم عليه السلام رد عليهم وتبرأ منهم ومن آلهتهم تحقيقا للتوحيد، فقال بكل شجاعة وقوة، قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. إبراهيم عليه السلام leur a dit voyez-vous ce que vous adorez vous et vos vieux ancêtres, ils sont tous pour moi des ennemis sauf le Seigneur des mondes. Il était tout seul et eux étaient un peuple tout entier. Et il s'est désavoué d'eux, leur mauvaise voie et de leur fausse divinité. هذا هو التوحيد. أن تتبرأ من الشرك وأن تفرد الله بالعبادة. Voici l'unicité d'Allah. Je te désavoue du polythéisme et tu unifies Allah Azza wa Jal d'un culte sincère. Puis Ibrahim alayhi salam leur a démontré qui était le seul à mériter entièrement l'adoration en leur disant فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِي. Ce sont tous mes ennemis sauf Allah le Seigneur des mondes, sauf le Seigneur des mondes, celui qui m'a créé et me guide. وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ, celui qui me donne à manger et m'abreuve. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, et lorsque je suis malade c'est lui qui me guérit. هُنَا لِشِدَّةِ تَأَدُّبِ مَعَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لم يقول يعني لن ينسب المرض إلى الله سبحانه وتعالى بل قال إذا مرضت lorsque je tombe malade. Il n'a pas dit lorsque Allah me rend malade. Pourquoi cela? Alors qu'il a dit c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui me guide, c'est lui qui me donne à manger, c'est lui qui me donne à boire. Mais il a dit, et lorsque je tombe malade, c'est lui qui me guérit. Pour cette seule phrase, il n'a pas dit lorsqu'Allah me rend malade. Pourquoi? Tellement qu'il avait un bon comportement vers Allah Azza wa Jal. Il a eu honte d'affilier la maladie à Allah Azza wa Jal, car en apparence c'est un mal. Alors son bon comportement a fait qu'il a dit, wa idha marid, lorsque je tombe malade. Il n'a pas cité de sujet. Il n'a pas cité celui qui le rend. Alors qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui décrète le bien et le mal. C'est lui qui décrète tout, subhanahu wa ta'ala. Mais cela nous montre le comportement à avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَةِ يَوْمَ الدِّينِ, celui duquel j'espère le pardon pour mes péchés le jour des comptes. Ibrahim alayhi salam plus loin a fait du'a encore, wala tukhzini yawma yub'athu, et ne m'humilie pas le jour de la résurrection. Yawma la yanfa'u malun wala banun, le jour où ne sera d'aucune utilité ni enfant ou bien ni maza richesse ni enfant. إلا من أتى الله بقلب سليم. Exception faite de celui qui viendra à Allah avec un cœur saint, un cœur propre, c'est-à-dire purifié de tout polythéisme, purifié de tout polythéisme, de ce qui peut entacher sa pureté. نرجع إلى سورة الأنبياء. On revient à سورة الأنبياء. Donc quelle est leur preuve? Il prétend avancer pour rendre légitime le fait d'adorer autre qu'Allah Azza wa Jal. On a trouvé nos ancêtres. Sauf dans le polythéisme, alors on a suivi. Comme s'ils n'avaient pas de uqul. Comme si Allah Azza wa Jal ne leur avait pas donné de cœur pour réfléchir, la vue pour voir, les oreilles pour entendre et le tout pour méditer. Taïr. هذا التقليد لا ينفع. Le fait, ce suivi aveugle n'est pas une preuve et une excuse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. كما قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره هذه ليست حجة ما لم يكن الشخص رسولا. Cela n'est pas une preuve. Tant que celui que tu suis n'est pas un prophète, tu n'as pas le droit de le suivre sans preuve. لا يجوز ماذا تتخذه قدوة لا سيما يعني بدون برهان لا سيما في أصول الدين في التوحيد وفي العقيدة. Comment est-ce que tu peux suivre quelqu'un aveuglément alors qu'il n'est pas un prophète? A plus forte raison dans ce chapitre de la religion, la croyance et les bases de la religion est التوحيد. Ibrahim alayhi salam leur a répondu: لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين. اي واضح بين. Il dit: vous avez été vous et vos ancêtres dans un égarement évident. On voit le courage d'Ibrahim alayhi salam et la fermeté qu'il avait. Il n'avait peur de personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. Ils se sont étonnés de la parole d'Ibrahim. Comment est-ce qu'il ose nous dire ça? Comment est-ce qu'il ose dénigrer nos divinités et rendre égarés nos ancêtres? Comme ceux qui viennent, lorsque tu leur dis le prophète sallam a fait comme cela, ils te disent: oui mais mon père, mon grand-père c'était quelqu'un de pieux, il faisait comme ça, il faisait comme ça. Ya subhanallah, hada rasulullah, هذا نبي الله هذا صفوة خلق الله. Ça c'est le messager d'Allah, la créature la plus noble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de parole à apporter après la sienne, ni de tradition à suivre après la sienne, ni de parole à faire devancer devant la sienne sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils lui ont dit: est-ce que tu nous viens avec la vérité là, ou bien est-ce que tu plaisantes? Yani, lorsque tu t'adresses à nous de la sorte, tu plaisantes ou est-ce que tu es véridique? Est-ce que tu as perdu la raison? Tu t'adresses à nous et tu es en pleine capacité et tu as toutes tes facultés, ou bien est-ce que tu plaisantes? Faradda alayhim Ibrahim alayhi salam. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلك من الشاهد. Ibrahim عليه السلام leur a répondu: mais votre Seigneur est plutôt le Seigneur des cieux et de la terre, celui qui les a créés, et je suis du nombre de ceux qui en témoignent. C'est-à-dire qui témoignent de l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans tout cela, et qu'il est le seul à mériter entièrement l'adoration. هذه الأصنام لم تخلق شيئا بل هي مخلوقة. C'est une fausse divinité que vous adorez, n'ont rien créé. C'est plutôt Allah Azza wa Jal le créateur des cieux et de la terre et même des matières que vous utilisez pour faire vos fausses divinités. Ensuite Ibrahim alayhi salam a dit: وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. Et par Allah, je ruserai certes contre vos idoles une fois que vous serez partis. وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدِهِ. Ils avaient un jour de fête, un Eid. Et ce jour-là, ils sortaient tous. Alors Ibrahim alayhi salam avait prévu d'utiliser ce jour-là pour mettre en pièces leur fausse divinité. Lorsqu'ils se sont préparés et apprêtés à sortir pour ce jour de fête, ils sont partis voir Ibrahim alayhi salam et ils l'ont invité à sortir avec eux. Ils l'ont invité à sortir avec eux. Tayyib. Ibrahim alayhi salam fa nadhara nadratan fi an-nujum. Hamido. Ça vient de d'ici. Donc, Ibrahim alayhi salam, à ce moment-là, a regardé en l'air vers les étoiles. Qala inni saqim. Il leur a dit, je m'excuse, je ne peux pas aller avec vous car je suis malade. Eux ont compris la maladie du corps et ainsi de suite. Mais Ibrahim alayhi salam a utilisé un mot pour leur faire comprendre une chose, mais lui en visait une autre. Inni saqim, je suis malade, c'est-à-dire de par le polythéisme que je vois de votre part. Je suis malade de par l'égarement que je témoigne. Votre égarement, votre polythéisme, et le fait que vous adoriez des idoles qui ont été créées, qui ne servent à rien, n'entendent pas, ne peuvent pas parler, et ainsi de suite. Mais eux ont compris quoi ? Il est malade, il ne peut pas venir avec nous, il se sent mal. Donc ils sont partis pour festoyer en ce jour de fête, innover et rempli d'associations. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, nous dans nos deux Eid, Eid al-Fitr et Eid al-Adha, c'est un Eid où il n'y a que l'unicité d'Allah Azza wa Jalla. On proclame la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. On se montre reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Où le culte n'est voué que à Allah subhanahu wa ta'ala. Falhamdulillahi Rabbil Alameen. Ensuite, Ibrahim alayhi salam, lorsqu'ils sont partis, il s'est dépêché, il s'est empressé d'aller dans l'endroit où ils avaient exposé leurs idoles. Il est parti en cachette et s'est dépêché. Il y a trouvé de la nourriture. Pourquoi cela ? Car al-mushrikoun, les associateurs, mettaient de la nourriture au pied de leurs idoles, raja'an wa talaban lil baraka. صدق الله وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. الله جل في غيته في القرآن نفس كل دي. et qui est-ce qui s'éloigne de la voie d'Ibrahim du tawhid si ce n'est celui qui a un manque de raison. Subhanallah. Ils mettent de la nourriture au pied d'idoles et ils disent que ça va rendre meilleure la nourriture et ça va la bénédiction va se répandre des idoles vers la nourriture. Allah est ajib. والله عجيب الولد لا يصدق ذلك الولد من أبناء المسلمين لا يصدق ذلك l'enfant parmi les musulmans aurait démenti cela. يعني de la nourriture au pied de bois ou je sais pas quoi, يعني ça va ramener la bénédiction et ça va rendre la nourriture meilleure ainsi de suite. والله que mon fils de 3 ans n'accepterait pas cela. والله المستعان اللهم بارك في أولاد المسلمين وَحْفَظْهُمْ عَلَى التَّوْحِيدِ. Donc ils ont voué encore une autre forme d'adoration. طَلَبُوا الْبَرَكَ مِنْ هَذِي الْأَصْنَامِ الْبَاطِلَةِ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il les a mis en pièces hormis leur plus grande, peut-être qu'ils reviendraient vers elles. Donc Ibrahim alayhi salam est venu, il a trouvé cette nourriture dans cet endroit où il y avait des idoles. Il y avait plein d'idoles et il y avait une idole qui était plus grande que les autres. Il y avait de la nourriture et des offrandes. Ibrahim alayhi salam est venu et leur a dit, vous ne mangez pas. Et il veut montrer que comment adorer ces choses qui ne servent à rien. Non pas que la divinité méritant l'adoration mange, mais elle parle. Car elles n'ont pas pu répondre à sa question. Ils n'entendent pas. Ils n'ont pas créé. Taïeb. Ensuite, de sa main droite, il les a cassés. De sa main droite, il les a cassés, tous, excepté leur plus grande fausse divinité. Pourquoi cela ? Pour une grande sagesse qui va venir par la suite. Et il fut dit qu'il a mis le mada, l'objet avec lequel il a cassé les divinités, les fausses divinités, comme par exemple une barre ou bien une hache ou autre. Il a placé cela auprès de leur plus grande divinité. D'accord ? Qu'est-ce qu'on pourrait comprendre ? Comme si c'est la plus grande de leur divinité qui a détruit les autres. C'est clair ? Il a laissé la plus grande. طيب. Ensuite, il est parti de cet endroit. Il a utilisé sa main droite, comme on dit les savants, car c'est la main la plus forte. طيب. Remarquez ici, dans ce verset, c'est une faïda latifa jiddan, que l'imam al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, c'est dans son tafsir. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ. Il n'a pas dit « illa l'akbar, illa l'kabir, illa kabiran lahum ». Limadha dhalik. Donc ici, il les a mis en pièces, il a mis tout cela en pièces, il a cassé tout cela, excepté leur plus grande. Pourquoi leur plus grande? Pourquoi pas la plus grande? Pourquoi leur plus grande? Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala a dit concernant ce passage et la perfection du Coran et la précision du choix des mots du Coran, yaqulu al-allama Abd al-Rahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala wa ta'ammal hadha al-ihtiraz al-ajib wa ta'ammal hadha al-ihtiraz al-ajib fa inna كل ممقوت عند الله لا يطلق عليه ألفاظ التعظيم لا يطلق عليه ألفاظ التعظيم إلا على وجه إضافته لأصحابه لأصحابه كبيرا لهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب إلى الملوك إلى ملوك الأرض المشركين يقول إلى عظيم الفرس إلى عظيم الروم لا يقول إلى العظيم ونحو ذلك ولم يقل إلى العظيم وهنا قال تعالى إلا كبيرا لهم ولم يقل كبيرا من أصنامهم فهذا ينبغي التنبه له والاحتراز من تعظيم ما حقره الله الاحتراز من تعظيم ما حقره الله إلا إذا أضيف إلى من عظمه هذه فائدة طيبة جدا رحمة الله على العلامة ابن سعدي رحمه الله طيب ابن سعدي رحمه الله تعالى concernant le passage où Allah عز وجل dit sauf leur plus grande n'a pas dit la plus grande طيب comme pour dire elle est grande mais pas auprès de moi elle est grande mais pas auprès d'Allah Elle est grande, mais pas au serviteur pieux d'Allah Azza wa Jal. Elle est grande auprès de vous, les associateurs. Elle est grande auprès de vous, les associateurs. L'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala nous dit, et observe ici, et remarque comment Ibrahim alayhi salam, ou bien comment on s'est préservé, et on a mis une limite ici dans les mots, dans l'utilisation des mots. On n'a pas dit la plus grande comme ça, de manière absolue. Car toute chose qui est vile auprès d'Allah, il ne convient pas de lui attribuer des attributs d'éloge, élogieuse, ni de caractère grandiose et d'immensification. Une chose qu'Allah Azza wa Jalla a humiliée, il ne convient pas d'en faire les éloges, ni de dire le grand, le fort et ce genre de paroles. Sauf si tu annexes cette façon de parler à ceux qui le font, c'est-à-dire tu dis leur grand, l'idole qu'ils immensifient. Donc tu te préserves ainsi d'avoir fait l'éloge du faux et de leur fausse divinité. Comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam par exemple lorsqu'il écrivait au roi des Perses ou bien des Romains et ainsi de suite. Il disait, je m'adresse à l'immense des Romains, je m'adresse à l'immense des Perses. C'est-à-dire qu'il est immense auprès d'eux, c'est leur gouverneur. D'accord ? Et il n'a pas dit, je m'adresse à l'immense. Car cette personne-là s'est humiliée de par ses péchés. Il ne convient pas de l'immensifier alors. Et l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala nous dit, il convient donc de faire attention à cela. Et de mettre des limites dans l'utilisation des mots. et dans le fait mada, c'est-à-dire dans l'utilisation des mots, et dans le fait d'immensifier ce qu'Allah a rabaissé et humilié. Tayyib. Donc Ibrahim alayhi salam a détruit ses fausses idoles, puis son peuple est revenu de leur fête de leur Eid. فَلَمَّ رَاجِعُوا مِنْ عِيدِهِنْ سُدِمُوا. Lorsqu'ils sont venus, ils ont été choqués de trouver et surpris de trouver leurs idoles en miettes, leur divinité en miettes. رَوْهَا مُكَسَّرَ مُحَطَّمَ. Ils les ont trouvés en pièces, en miettes. قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ. Ils se sont exclamés, qu'est-ce qui a fait cela à nos divinités? Il est certes injuste. Et avec ça, on voit vraiment qu'il n'avait pas de uqul profitable. Regardez, dans la même phrase, ils disent divinité et qui a fait ça à. Yani, ils adorent des choses et ils reconnaissent eux-mêmes que leurs fausses divinités ont été agressées, cassées. Yani, comment est-ce que tu peux adorer une chose qui n'a pas réussi à se défendre? Wallahi ajib. Comment est-ce que tu peux adorer une chose qui a été cassée par un humain, qui a été réduite en miettes par un humain? Man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min adh-dhalimin. Ils ont accusé qui? Ibrahim alayhi salam d'injustice. Wa hadha min taqlib al-haqa'iq. Toujours les gens du faux changent le vrai par le faux et le faux par le vrai. Et là ils accusent qui? Ibrahim alayhi salam. Hein? Al-Muwahhid, Al-Barr, Al-Sadiq, d'être injuste. Et qui est le plus à même de recevoir cette parole? In ya bunayya la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim. Allah dit dans le Coran, certes, le polythéisme est une énorme injustice. Ra'su zulm ash-shirku billah. La plus grande injustice, c'est quoi? C'est le fait de donner un égal à Allah Azza wa Jal, ce dans quoi ils sont tombés. Et malgré cela, ils accusent qui? Ibrahim alayhi salam d'être injuste. Thumma ba'da thalik, qalu sami'na fa'tan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Certaines personnes d'entre eux ont dit, on a entendu un jeune homme, al-fata. C'est un adolescent. Donc Ibrahim alayhi salam était jeune à ce moment-là. On a entendu un adolescent médire de nos divinités. C'est-à-dire les citer en les rabaissant, en les dénigrant, et ainsi de suite. On le surnomme Ibrahim. قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ. Lorsqu'ils ont vérifié l'information et qu'ils ont été sûrs, ils ont dit, ils dirent, amenez-le sous les yeux des gens afin qu'ils puissent en témoigner. Afin qu'ils puissent témoigner. Ramenez-le afin que les gens puissent témoigner. وَهَذَا الَّذِي أَرَادَهُ إِبْرَاهِمْ فِي نَفْسِهِ. Et c'est cela qu'a voulu Ibrahim alayhi salam en lui-même lorsqu'il a fait tout cela. Depuis le début, il voulait les amener à une discussion en public, un débat en public. Pas un débat où on filme et après on fait un montage et on coupe et on prend ce qu'on veut et on met une bombe juste derrière et un autre pays et ensuite on met la parole de l'imam. Là, pas un débat comme ça. Un débat où il y a Hizbur Rahman ou Hizbur Shaitan en direct et où il y a Al-Munaqasha, Al-Mabniya, Al-Hujaj wal-Barahim. Un débat où la personne peut s'exprimer, où elle a un droit de parole, où elle a un droit de parole, et elle peut argumenter librement. Librement, à temps déterminé, car comme on le verra, les gens de l'injustice, lorsqu'ils n'arrivent pas avec la parole, ils passent à la force. Ils discutent au début, pensant pouvoir amener une preuve ou quelque chose, et lorsqu'ils voient que la vérité est trop lourde, et qu'ils n'arrivent pas à répondre, et que les gens commencent à écouter la bonne parole, à ce moment-là, ils utilisent la force. وَهَذَا الَّذِي أَرَادَ الذَّكِي الزكي إبراهيم عليه السلام أن يناظرهم أمام الجميع. Et cela nous rappelle quoi? Cela nous rappelle l'histoire de Moussa alayhi salam avec Pharaon. Il leur a dit le Mada, قال يوم ماذا يومكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. J'oublie le verset بالضبط. C'est quoi le début du verset? قال يومكم يوم عيد وأن يحشر الناس ضحى. الله أعلم le verset. قال يومكم يوم الزينة نعم وأن يحشر الناس ضحى. Moussa عليه السلام leur a dit le rendez-vous sera le jour où il y aura du monde et que les gens soient réunis de bonne heure afin qu'il y ait tout le monde et qu'il ne manque personne à la paix. Et cela nous rappelle l'histoire de qui encore? Qu'est-ce qui a fait la même chose? Hein? Pas un prophète, un enfant. Ghulam al-Ukhdud. Hein? Dans Qissat al-Ukhdud. Mada, l'histoire des tranchées. L'enfant qui allait voir tantôt le sorcier et tantôt le moine. Et ensuite il a reconnu la vérité, resté sur la tawhid. Lorsque le roi a essayé de le tuer, lorsqu'il n'a pas réussi à discuter avec lui encore une fois de plus, il lui a dit de sortir de la religion du tawhid. L'enfant a refusé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené ses gardes, a dit partez avec lui au milieu de la mer et jetez-le dans la mer s'il ne revient pas sur le tawhid. S'il ne revient pas dans le polythéisme. Ajib, l'enfant est sur le tawhid et l'adulte il est sur le shirk. فالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. Arrivé au milieu de la mer, l'enfant a dit اللهم اكفني بما شئت. Ya Allah, préservez-moi d'eux par ce que tu auras choisi. Ils sont tombés à la mer. Il est revenu tout seul. Le roi s'est étonné, où sont les gardes? Allah Azza wa Jal m'a préservé d'eux. Il a ramené d'autres gardes, montez au mont le plus haut et jetez-le s'il ne revient pas dans le polythéisme. Arrivé en haut, l'enfant a fait dua, Allah Azza wa Jalla l'a préservé et les gardes sont tombés de la montagne. Puis il est revenu, le roi ne savait plus quoi faire. Alors l'enfant lui a dit, tu ne réussiras point à me tuer, à m'assassiner, sauf si tu fais ce que je vais te commander. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Tajma' an-nas. Tu réunis tout le monde sur une même place. Ensuite, tu prends cette flèche et tu dis Bismi Rabbil Ghulam, au nom du Seigneur du jeune homme. Si tu fais cela et que tu me vises de cette flèche, alors tu réussiras à m'atteindre et m'ôter là. Le roi, avec manque de raison, s'est empressé de s'exécuter pour se débarrasser de cet enfant et en pensant se débarrasser de quoi? Du tawhid. Mais il ne sait pas qu'Allah Azza wa Jalla a créé les cieux et la terre pour être tawhid. Que l'envoi de tous les prophètes c'est pour être tawhid. La révélation de tous les livres pour être tawhid. Al-Jannat wa Nar pour être tawhid. Al-Mizan pour être tawhid. Al-Sirat pour être tawhid. Kullu shay li ajli tawhid. Le bien et le mal li ajli tawhid. Alors il a fait cela. Il a pris la flèche, son l'arc, l'a visé et a dit Bismi Rabbil Ghulam, au nom du Seigneur du jeune homme. Et le jeune homme a reçu la flèche, il a saigné et est décédé. Lorsque les gens ont témoigné de ce miracle, ils ont dit Amanna bi Rabbil Ghulam. Ils se sont convertis à l'islam en masse. Et dans l'histoire de Moussa, lorsque les sorciers ont vu cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tombés prosternés. On a cru au Seigneur de l'univers, le Seigneur de Moussa et de Harou. Donc ici, c'était une stratégie très intelligente qu'a élaboré Ibrahim alayhi salam. Ils lui ont dit, قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. Est-ce que c'est toi qui as fait cela à nos divinités, ô Ibrahim? Donc ils parlent à un homme qu'ils accusent d'avoir, ils parlent à un jeune homme qu'ils accusent d'avoir cassé ce qu'ils adorent eux-mêmes. Mais est-ce qu'ils avaient des uqul? Est-ce qu'ils avaient de quoi réfléchir, ces gens-là? Allah musta'an. Donc, jusqu'à présent, on a démontré qu'elles n'entendent pas. Elles ne sont pas profitables. Elles ne voient pas. Elles ne peuvent pas nuire. Et ici, elles ne peuvent pas se défendre. Elles ne peuvent pas se défendre. Ibrahim alayhi salam leur dit, قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُ مَاذَا فَسْأَلُهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْتِقُونَ. Non, mais c'est plutôt la plus grande d'entre elles qui a fait cela. Demandez-lui si elle peut vous parler. Demandez-leur si elles peuvent répondre. Il y avait le mada, l'outil, auprès de la plus grande idole. Ils savent très bien qu'elles ne peuvent pas répondre. Yani les idoles qui ont été cassées ne peuvent pas dire c'est la grande idole. Ça. Et la grande idole ne peut pas avouer. Ça. Et tout le monde sait que ces idoles ne peuvent pas répondre. Alors ils se sont mis en colère. Ah, ils ont été perturbés par la l'intelligence d'Ibrahim alayhi salam. Pourquoi est-ce qu'il leur a posé cette question? Pour attendre leur réponse, les réfuter et leur démontrer des preuves évidentes. Taïb. À ce moment-là, ils sont revenus un instant à la raison. Ils sont revenus un instant à la raison. فَرَاجِعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ. Ils ont retrouvé leurs esprits. C'est comme s'ils sont revenus à Mada, qu'ils ont retrouvé leur raison. Certains ont dit ça parmi les savants. Donc on reconnaît leur faute et leur polythéisme. D'autres ont dit non. Le sens du verset, فَرَاجِعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ. Ils ont retrouvé leurs esprits. Et se sont accusés mutuellement. Et se sont dit, vous êtes vous les injustes. Pourquoi est-ce que vous avez laissé les divinités sans garde? Hein? Pourquoi vous n'avez pas gardé les divinités? Pourquoi vous n'avez pas protégé les divinités? Et vous n'avez pas mis un garde aux divinités? Il y a des divinités, des choses qu'ils adorent, qui a besoin de quoi? Quelqu'un qui les surveille, quelqu'un qui les protège. Wahakad. À ce moment-là, ثم نكسوا على رؤوسهم. Puis ils firent volte-face. Cela ne dura qu'un court moment, un court instant. Ils firent volte-face, ils sont revenus dans leur égarement, dans leur perdition et dans leur haine. Et lui ont dit, لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. Tu sais bien que celle-ci ne parle pas. Donc en gros, pourquoi est-ce que tu te moques de nous? Tu nous demandes est-ce qu'elles, yani, si elles peuvent vous répondre. Alors que tu sais pertinemment que ces idoles ne parlent pas, n'entendent pas. Elles n'ont pas pu se défendre elles-mêmes. Alors là, Ibrahim alayhi salam va leur donner une leçon. Une leçon qu'Allah subhanahu wa ta'ala a citée dans le Coran. Et qui va rester jusqu'à proche du jugement dernier. Il a qurbi qiyam as-sa'a. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas il a qiyam as-sa'a? Et on dit plus précisément il a qurbi qiyam as-sa'a. Pourquoi souvent les savants disent jusque proche de la résurrection? Lorsqu'ils parlent du Coran, de ce qu'il y a dans le Coran. Qu'est-ce qui répond à cette question? Endamen. Personne. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que parmi les signes de la fin du monde, proche de la fin du monde, yurfa'u al-mus'haf. Al-Qur'an. Min al-masahif wa min al-sudur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'à la fin des temps, on va reprendre le Qur'an. et on va l'enlever des livres, les gens vont se lever, il n'y aura plus le Coran dans les livres ni dans les poitrines. À un moment, les gens se seront détournés du Coran et n'auront pas accordé d'importance au Coran. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ibrahim alayhi salam leur a dit mubikhan lahum afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadhurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Ibrahim dit, il dit, adorez-vous donc en dehors d'Allah ce qui ne saurait en rien vous être utile ni vous nuire non plus. Fi de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah, ne raisonnez-vous donc pas. Comment est mauvaise leur situation? Comme est humiliante l'affaire du polythéiste. Le fait d'adorer des choses qui n'entendent pas, qui n'entendent pas, qui ne voient pas, qui ne parlent pas. La chose qui n'entend pas ne peut pas répondre à tes invocations. La chose qui ne parle pas n'ordonne pas et n'interdit pas. Il ne mérite pas l'adoration. Lorsqu'ils n'ont pas trouvé réponse aux belles paroles d'Ibrahim, لجأوا إلى القوة وفي الحقيقة إلى الضعف فهم بأكملهم وهو واحد. À ce moment-là, ils se sont dirigés vers la force du faible. Hein? Ils sont un peuple entier, il est tout seul, ils n'arrivent pas à débattre avec nous. Vous imaginez la situation? Un homme tout seul contre un peuple entier et ils n'arrivent pas à débattre avec lui. Okay. Pour se venger et défendre leur divinité, ils ont dit, secourez vos divinités, car elle les a cassées. Brûlez-le et secourez vos divinités si vous voulez faire quelque chose. Ils ont voulu le punir et se venger pour leur divinité. Regardez, ou bien écoutez. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont dit? Wansuru. Et secourez. Secourez qui? Vos divinités. Vous trouvez que c'est normal ou il y a quelque chose d'anormal pour ne pas dire bête? Yani wansuru alihatakum, secourez vos divinités. C'est-à-dire vous adorez des choses et c'est vous-même qui les défendez. Et ça nous rappelle l'histoire du sahabi qui s'est converti à l'islam et son père est resté dans le shirk pour un temps. Vous vous souvenez, on avait raconté cette histoire dans Qissat de Nuh peut-être, alayhi salam. Il est venu après la divinité de son père et il a déversé des impuretés. Le lendemain, lorsque son père est venu, il a trouvé des impuretés sur la divinité, il s'est énervé, ça l'a touché et il l'a nettoyé, il l'a parfumé et il l'a remis à sa place. Le lendemain, le fils a fait la même chose en cachette. Le père est venu à trouver sa divinité salée, remplie de souillures. Il l'a pris, il l'a nettoyé, il l'a parfumé. La troisième fois, la même chose. Il a dit, alors là, tu vas te défendre tout seul. Il lui a mis une épée, hein? Il lui a mis une épée, il l'a attachée. Et il lui a dit, Ntakim nafsik, défends-toi tout seul. À ce moment-là, le fils est venu, hein? Il a pris la divinité de son père. Il a pris un chien mort et il les a mis dans un trou. Taïm, il les a mis dans un trou. Quand le père est venu, il a trouvé sa divinité qu'il adorait dans un trou avec un chien mort. Et chez les Arabes, le chien, c'est une des créatures les plus méprisables, viles. Il a regardé sa divinité et il a dit, quelle mauvaise divinité. Taïm, Yannine, Si tu avais mérité d'être adoré, tu n'aurais pas été toi et un chien dans le même trou. Un chien mort dans le même trou. Après, il a dit malheur à toi. Puis il a dit malheur à celui qui t'a adoré. Yani malheur à moi-même, comment est-ce que j'ai pu t'adorer toi? Voyez. Et une autre histoire avec un Mada, un arabe, qui adorait une divinité. Voyez. Qui adorait une idole, une statue qu'il avait faite de ses propres mains. Un jour, il a vu un tha'alab, un renard. D'accord? Et le renard, c'est pareil. Yani, c'est, chez les Arabes, c'est Mada. C'est un animal qui est méprisable et méprisé. Mada, un jour, il a vu un renard s'approcher de sa divinité qu'il adorait. Et akramakumullah, le renard est venu, wabala alayh. Et il a uriné sur la tête de la divinité. Taïb, quand il a vu ça, il a dit, malheur à toi, c'est quoi ça? C'est quoi comme divinité ça? Si tu avais été une divinité qui mérite l'adoration, wallahi, un renard n'aurait pas uriné sur toi. Taïb, il a pris la divinité, il l'a jetée. Et il a compris que ça ne méritait pas l'adoration. Tout cela pour dire, chers frères, que celui qui adore autre qu'Allah Azza wa Jalla a perdu son aql. Celui qui adore autre qu'Allah Azza wa Jalla a perdu son aql. Et les exemples sont nombreux. Donc, la jawil al-quwwa. Pour brûler Ibrahim alayhi salam, et de par la haine qui a habité leur cœur, suite à la vue qu'ils ont eue de leur divinité cassée et mise en miettes, ils ne se sont pas contentés d'assassiner Ibrahim alayhi salam de la manière la plus rapide. Non. Mais ils ont voulu l'assassiner de la plus mauvaise manière. Et qu'il souffre. Lui donner les plus grandes souffrances. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ashghalu naran azimatan. Ils ont attisé un feu immense. Ça a pris des jours. Ils ont réuni tout ce qu'ils trouvaient comme bois et ainsi de suite pour attiser ce feu. Au point qu'il fut dit que lorsque des oiseaux, des volatiles passaient au-dessus, ils tombaient cramés. Tellement que ce feu était ardent. Et aussi, ils n'ont pas pu prendre Ibrahim alayhi salam et le jeter directement. C'est pour ça, comme c'est venu dans une autre sourate, dans sourate Saffat, qalu ibnu lahu bunyanan, fa'alquhu fil jahim. Ils ont dit, construisez, comment on appelle ça, le menjanir? Des catapultes, hein? Construisez des catapultes afin de catapulter Ibrahim dans le feu. Ça montre quoi ça, hein? Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a cité ça? Pour montrer que le feu était immense, énorme, au point ils n'ont pas pu le prendre avec leurs mains et le jeter, sinon ils se seraient brûlés. Alors ils ont été contraints, pour faire leur crime gravissime, de du moins tenter de construire une catapulte. À ce moment-là, ils ont attaché Ibrahim alayhi salam, lorsqu'ils ont fini Mada de faire cela, de faire leur catapulte. Ont attaché Ibrahim alayhi salam pour le jeter dans le feu. Et c'est ainsi qu'on voit souvent celui qui a la force, qui ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala, essayer ou bien se venger du faible lorsqu'il n'arrive plus à le battre de manière loyale. Et il n'y a pas besoin d'aller loin dans le temps. Regardez ce qui se passe, ce qui nous est parvenu comme information de Birmanie. Comment est-ce que les musulmans sont assassinés dans un silence des communautés qui pourtant se réclament parmi des droits de l'homme? Ne sont-ils pas des humains? Ne sont-ils pas de la descendance de Adam alayhi salam? Ou comme cela a été le cas et est le cas pour nos chers frères de Syrie, de Cham, farajallahu anhu, tu vois celui qui a la force sacrifier littéralement un peuple. إلا أن قالوا ربنا الله. Juste parce qu'ils ont dit notre Seigneur est Allah. أسأل الله ينتقم من المجرمين. Et c'est ainsi qu'a fait Pharaon. Au début, il a discuter avec Moussa alayhi salam. Eshqal. Wama Rabbul Alamin. Wama Rabbul Alamin. C'est quoi ça? Le Seigneur des mondes. Comme c'est venu dans Surat Taha. Qala Rabbuna alladhi a'ta kulla shay khalqahu thumma hada. Notre Seigneur, c'est celui qui a donné forme à toute chose, puis l'a guidé. Il a discuté, À la fin, il leur a dit, je ne connais pas d'autre divinité pour vous si ce n'est moi. Ana rabbukum al-a'la. C'est moi votre Seigneur le plus grand. Lorsque Moussa alayhi salam a débattu avec lui, et que Pharaon n'a plus trouvé quoi répondre, qu'est-ce qu'il leur a dit? Si vous n'arrêtez, si vous ne cessez pas, je vais vous emprisonner. Et à la fin, il a levé son armée et les a poursuivis pour les assassiner. Allah Azza wa Jalla l'a noyé lui et ses suiveurs. Et on voit cela dans de nombreuses histoires chez les prophètes. Ô Nuh, si tu ne cesses pas, l'anarjumannak, nous te lapiderons. Qu'a dit le père d'Ibrahim également? L'arjumannak, wahjurni maliya, et ainsi de suite. Donc les exemples sont très nombreux sur l'injustice de celui qui a la force lorsqu'il ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala et n'arrive pas à débattre. Pourtant ils appellent au dialogue. C'est ce qui est le plus étonnant. Ils appellent au dialogue. Mais lorsqu'ils n'arrivent plus, ou lorsqu'ils voient les gens revenir à la vérité, cela les dérange. Wallah al-musta'an. Alors que cela est bien meilleur pour eux s'ils le savent, s'ils savaient. فقال إبراهيم عليه السلام المتوكل على الله وهو يلقى في النار. À ce moment-là, Ibrahim عليه السلام était seul contre tout son peuple. Attaché. Ils l'ont mis sur la catapulte. Ils l'ont propulsé dans les airs. Et à ce moment-là, Ibrahim عليه السلام a dit حسبنا الله ونعم الوكيل. يا لها من كلمة. كلمة لا تخرج إلا من قلب سليم. قلب أيقن بوعد الله وبنصرته وبأنه متصرف في الكون وفعل وأنه فعال لما يريد رحيم وأنه ينصر أولياءه. إبراهيم عليه السلام dans ce moment de grande affliction a dit حسبنا الله. الله nous suffit. ونعم الوكيل. Et quel bon garant, quel bon soutien. Dans le hadith d'Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ou bien Ibn Abbas dit, Hasbuna Allah wa ni'ma al-wakil. Cette parole, Ibrahim alayhi salam l'a dit lorsqu'il a été jeté dans le feu. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a dit lorsque les gens se sont réunis contre lui. Et lui ont dit, ayez peur de nous. Cela n'a fait qu'augmenter leur foi et ils ont dit, Hasbuna Allah wa ni'ma al-wakil. Donc ça c'est la parole de ceux qui ont la perfection du tawhid, comme ça a été cité en hadith Ibn Abbas dans le recueil de l'imam al-Bukhari. Donc Ibrahim alayhi salam est propulsé dans les airs au-dessus d'un feu ardent immense au point où on a eu besoin de le catapulter, et à ce moment-là il ne se dirige vers personne d'autre en dehors de son créateur, et cela certes provient d'un cœur pur, d'un cœur rempli de la ilaha Allah, de monothéisme, d'un cœur qui est la certitude dans la promesse d'Allah. Wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin, kadhalika nunjil mu'minin. Allah azza wa jalla a fait la promesse dans le Coran et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. C'est un droit que nous avons de secourir les croyants. Wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al mu'minin. إنهم لهم المنصور وإن جندنا لهم الغالب. Donc Ibrahim alayhi salam a prononcé cette grande parole حسبنا الله ونعم الوكيل. وهنا أجر الله سبحانه وتعالى على يدي معجزة عظيمة. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. À ce moment-là, Allah Azza wa Jalla a accordé un grand miracle à Ibrahim alayhi salam. Allah nous dans le Coran nous dit ô feu, sois paix et fraîcheur salutaire pour Ibrahim. Le feu qui a pour nature al-ihraq wa al-damar, qui a pour nature de brûler, de détruire. Allah lui a ordonné de devenir paix et fraîcheur salutaire. Fakant. Le feu s'est soumis à l'ordre d'Allah Azza wa Jalla. Le feu est devenu fraîcheur salutaire pour Ibrahim alayhi salam. Et n'a nuit nullement à Ibrahim alayhi salam. Lorsque le feu a été attisé, qu'Ibrahim a été jeté, sachez que toutes les bêtes qui étaient, yani sont venues proches du feu pour souffler et éteindre le feu. Ou bien pour tenter d'éteindre le feu. Les bêtes, hein, les animaux pour secourir Sahib al-Tawhid. La ilaha illallah. Les animaux, ad-dawa, tantasir li Ibrahim alayhi salam. تتعاون مع إبراهيم عليه السلام وإن جندنا لهم الغالب إلا sauf une bête sauf un animal lequel hein le lézard le voisin le lézard comme c'est dans le hadith de l'imam Ahmed et dans un autre recueil le lézard lui essayait d'attiser le feu contre Ibrahim عليه السلام. Pourquoi? Parce que de par nature le lézard sème le désordre, comme les rats, le serpent, voyez, ce qu'on appelle le fawasir. Voyez. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de tuer les lézards, car ils soufflaient sur le feu pour nuire à Ibrahim alayhi salam. Donc la sunna de tuer le lézard, elle vient d'où? De l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Hein? De Ibrahim alayhi salam. Donc sahib al-tawhid, quand il y a une chose qui le touche, c'est comme si on touche à toute la communauté. Le lézard a fait ça au temps d'Ibrahim alayhi salam, hein? Et c'est resté jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est une sunna. Et Aïcha avait un outil chez elle, et quelqu'un est rentré chez elle et lui a dit: ça sert à quoi ça? Elle lui a dit: c'est pour tuer les lézards. Le prophète sallam a dit: uqtul al-wazah. Donc c'est une sunna de chasser les lézards et de les tuer. Comme c'est connu dans les pays musulmans, les enfants chassent les lézards pour mettre en pratique cette sunna. Wa aradu bihi kayda. Ils ont voulu pour lui le mal, c'est-à-dire le tuer et le brûler. Faj'alnahum al-akhsarin. Allah azza wa jalla a fait que eux soient les perdants. Ils ont voulu humilier Ibrahim alayhi salam. فَجَعَلْنَهُمُ الْأَسْفَلِينَ. Dans l'autre surat, الْأَسْفَلِينَ ici, الْأَخْسَرِينَ. الْأَخْسَرِينَ, les perdants. فِي الدُّنْيَا, dans ce bas monde. Et dans l'au-delà. Et le feu qui a été fraîcheur salutaire pour Ibrahim alayhi salam dans ce bas monde ne sera pour eux qu'un feu attisé, ardent, destructeur dans l'au-delà pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas morts sur le tawhid. نستفيد من هذا. On tire de cela. أن كل ما في الكون مسخر خاضعة تحت تسخير الله. Tout ce qu'il y a dans les cieux, tout ce qu'il y a sur la terre entre les deux est sous le commandement d'Allah. Le feu, subhanallah, le feu qui a pour nature de détruire, de brûler, hein, est devenu fraîcheur salutaire pour Ibrahim alayhi salam. De cette histoire on tire que celui, on ne va pas dire nos paroles, on va dire la parole. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ. Celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui est suffisant. حَسْبُ أَيْ كَافِ. كَافِ, Allah lui suffit. Et dans l'autre version, dans l'autre verset, pardon, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Et celui qui craint Allah, Allah lui facilite une issue. Allah lui facilite une issue. Si un jour donc tu te retrouves dans une situation où tu regardes à droite, tu ne vois personne. Tu es dans une difficulté telle que tu as l'impression de porter les montagnes sur ton dos. Tu regardes à ta droite, tu vois personne. Tu regardes à ta gauche, tu vois personne. Tu regardes sous tes pieds, tu vois personne. Devant toi, personne. Derrière toi, personne. Fais comme a fait Ibrahim alayhi salam. Tawajjah. إلى الملك الحق العزيز القوي الرحمن الرحيم الحي القيوم سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. À ce moment-là, lorsque tu seras dans une tristesse, dans une affliction, une difficulté, détourne-toi pleinement des créatures d'Allah Azza wa Jal. Élève tes mains vers le Créateur Al-Sami' Al-Basir Al-Alim. Celui qui entend tout, qui voit tout, qui connaît ton état. Celui qui est vivant ne dort jamais, Al-Hayy Al-Qayyum, la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Celui qui a les attributs les plus parfaits, les noms les plus complets. Celui qui est doux, miséricordieux. Celui qui est fort et puissant. Celui qui, lorsqu'il veut une chose, dit soit et elle est. Comment est-ce que tu vas ramener ton besoin dans les mains des créatures, ya subhanallah? Ramène ton besoin auprès d'Allah qui aime que tu lui demandes. Et de cette histoire, on tire fawa'il al-du'a. Wa ahammiyatu al-du'a 'inda al-shada'id. L'importance de l'invocation et de du'a dans la difficulté. Inna Allah hayyun sittir yastahi min ahadikum idha rafa'a yadayhi ilayhi an yaraddahuma sifra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit certes Allah est pudique, il a honte de voir son serviteur lever ses mains, lever la paume de ses mains vers lui et de les lui rendre vides. Allah aime que tu lui demandes, lorsque tu lui demandes, il se réjouit. Il aime cela et lorsque tu ne lui demandes pas, il se met en colère. Le contraire du fils d'Adam. Le fils d'Adam, tu lui demandes une fois, il te donne peut-être. Et peut-être avec quelque chose dans son cœur. La deuxième fois, la troisième fois, ensuite il se met en colère. Alors qu'Allah, plus tu lui demandes, plus il aime. Plus tu te rapproches de lui, plus il t'élève en degré. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Wa idha salaka ibadi anni fa inni qarib. Ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'essence même de l'adoration. Donc il faut nous diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes nos difficultés. Et ne minimisez pas ad-du'a. Subhanallah, combien sont les gens qui viennent nous voir avec tel problème? Tu lui poses la première question. Ya akhi, tawajjahta ila Allah, ila al-karim. Ya akhi, est-ce que tu t'es dirigé vers le plus généreux? Tu as fait du'a, il te dit subhanallah, j'ai pas pensé. Ya subhanallah, tu as pensé à te diriger vers la faible créature qui est l'imam. Tu as pensé à te diriger vers la faible créature qui est le da'i, ou qui est le savant, ou qui est ton ami. Et tu as oublié Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est fort, riche et généreux. Celui qui est vivant, qui ne meurt jamais. Hada khata'un azim. C'est une grande faute. Dans toutes tes situations, sache qu'Allah te voit et t'entend. Et qu'il veut de toi que tu te diriges vers lui, comme l'a fait Ibrahim. Mais regarde la bonne finalité. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Vous pensez que ça a duré combien de secondes? Quand Ibrahim alayhi salam s'est trouvé dans les airs, il a fait une dua, Allah Azza wa Jalla exaucé sur place, fil hin, dans la seconde. Et toi, ton problème n'est pas à l'image du problème d'Ibrahim alayhi salam, sans aucun doute. Tu ne trouves pas d'argent, tu ne trouves pas d'épouse, tu ne trouves pas de travail, tu ne trouves pas ça. Tu as un problème de famille, tu as ça. Ya subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, sami'un basir, hayyun qayyum, la yanam. Wa la yanbari lahu an yanam. Allah ne dort pas et ne lui convient pas de dormir. Allah vous écoute lorsque vous avez un besoin, dirigez-vous vers lui subhanahu wa ta'ala. Donc on voit l'importance de l'invocation. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ مَاذَا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ مَاذَا يَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ جَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. On voit également de cette histoire qu'Allah Azza wa Jal, celui qui se montre pieux envers lui, il lui donne sa subsistance d'où il ne s'y attendait pas. Ibrahim alayhi salam a fait ça pour Allah, Allah Azza wa Jal lui a remplacé parmi eux. On tire de cette histoire, man taraka shay'an ittiqan lillah awadahu Allah khayran min. Que des versets des hadiths. Celui qui délaisse une chose pour Allah, par crainte d'Allah, par piété envers Allah, Allah lui remplace parmi eux. Regardez la suite de l'histoire ou du verset. On l'a donc sauvé lui et l'autre. Pourquoi l'autre? L'autre, c'est son neveu, le fils de son frère, comme ça a été cité par les historiens. Et c'est un des seuls qui a cru en Ibrahim alayhi salam et qui l'a suivi dans la religion, qui l'a suivi dans At-Tawhid. Donc au final, il n'y a eu que trois personnes dans un premier temps. Ibrahim alayhi salam l'a suivi, l'autre, son neveu, et Sarah, la fille de son oncle. Et Sarah, la fille de son oncle, son épouse. Et cela nous rappelle Ghurbatul Islam. Des fois tu es seul, tu fais de da'wah, personne ne t'accepte. Des fois tu es dans ta famille, tu fais de da'wah, personne n'accepte. Soit tu es issu d'une famille non musulmane et tu reçois telle et telle chose et telle parole et telle parole. Soit tu es dans une famille musulmane mais qui n'est pas mustaqim et n'accepte pas ta droiture. Ben rappelle-toi l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Il y a une tasriya dans cela. Il y a un réconfort dans cela. Ibrahim alayhi salam, c'est le meilleur des hommes après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, ils ont été trois ou quatre à le suivre, comme ça a été cité. Plus tard, il y aura Hajar. Ses deux enfants, Ismaïl et Ishaq. Puis Yaqub. Mais très peu. Donc si on ne te suit pas, ne t'étonne pas. Toi, tu dois juste faire da'wah. Apprendre, mettre en pratique, faire da'wah et endurer comme a enduré Ibrahim a.s. On voit aussi donc l'endurance dans Ad-da'watu ilallah. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. Et on l'a sauvé, lui, et nous le sauvâmes ainsi que l'autre, vers une terre que nous avions bénie pour tout l'univers. Cette terre, c'est Ash-Sham. C'est la région qui se trouve vers la Syrie, faradjallahu anhu. Et parmi la bénédiction de cette terre, le fait que c'est la terre de beaucoup de prophètes, comme a dit l'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Deuxièmement, le fait que c'est la terre de Hijra de Ibrahim alayhi salam dans un premier temps. Et d'autres bénédictions que les savants ont citées. Comme le fait qu'il y ait Baytul Maqdis, la troisième des mosquées. Wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu al-azizul hakim. Ensuite, on lui a commandé de faire la Hijra, l'Hijra. Lorsqu'il n'a pas pu mettre en pratique sa religion et qu'on lui a nui dans sa religion et qu'on l'a empêché de prêcher et d'adorer Allah d'un culte sincère, alors à ce moment-là, il a quitté cette terre afin de pouvoir mettre en pratique sa religion comme c'est commandé dans l'islam. Et comme l'a fait beaucoup de prophètes, notamment le dernier prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a quitté la Mecque vers Al-Madina, il a quitté le meilleur endroit. Ashraful Biqa pour Al-Madina, lorsque son peuple lui ont nui et l'a empêché d'adorer Allah Azza wa Jal d'un culte sincère et de prêcher à cela. Et tout comme Moussa alayhi salam s'est sauvé de Mada, de Misr, si je me souviens, Naam, vers Mada, où il est parti Moussa alayhi salam, Madian, Taïb Nasit, il a fait également Al-Hijra. Donc nombreux sont les prophètes qui ont fait Al-Hijra. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'Ibrahim a eu toutes ses épreuves, il lui a remplacé par lui. Il a délaissé son père, il a délaissé sa terre, il a délaissé son peuple et l'endroit de son enfance, alors Allah azza wa jalla lui a remplacé par lui. Wa abna lahu ishaqa wa ya'quba nafila wa kullan ja'alna salihin. On lui a donc donné, et nous lui donnâmes Ishaq, et de sur quoi Yaqub, Yaqub c'est le fils de Ishaq, desquels nous fîmes des gens de bien. Quel est le surnom de Yaqub? Est-ce que quelqu'un parlerait dans le dar sans lever la main pour répondre à une question? Tu as oublié car tu es un humain, on t'excuse pleinement. Ça, on excuse ou pas? Il a oublié, c'est pas grave. Tafadhal akhana barakallah. Israël, barakallah fik, karamakallah. Naam, Israël. Israël, c'est qui? C'est Yaqub, c'est le surnom de Yaqub. Israël, c'est le surnom de Yaqub. Donc, les prophètes de Banu Israël, les nombreuses tribus, elles remontent à qui? À Yaqub. Alors que de l'autre côté, donc il y a Ishaq, il y a Yaqub et l'ensemble des prophètes. Et du côté de Ismaïl, il y a qui? Hein? Les Arabes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais tous les autres, eux, sont de Ishaq et Yaqub. Donc Allah azza wa jal lui a donné Ishaq et après Yaqub. Les savants ont dit qu'Allah Azzawajal a accordé à Ibrahim alayhi salam, après avoir atteint un âge avancé, après Ismaël, il lui a donné Ishaq. Et il l'a maintenu en vie afin qu'il voie de ses yeux Yaqub. Alors qu'il avait une épouse qui était, on avait dit, stérile. Allah Azzawajal fait ce qu'il veut. Combien sont ceux qui n'ont pas vu leurs enfants après des années, des années, des années de mariage? Ad-du'a, faqat. Ma'alaykoum il ad-du'a ou l'asbab. Hein? La personne qui n'a pas eu d'enfant, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, elle ne désespère pas. Même s'il a des rides. Et wallah. Et par considération pour la mère et la grand-mère, on ne va pas donner l'exemple de la mère. On donne l'exemple de l'homme. Parce qu'il vieillit ainsi de suite. Il ne désespère pas de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Et j'aime à rappeler l'exemple d'un de nos amis bien-aimés qui s'est marié, n'a pas eu d'enfant durant environ 7 années, 8 années. Et un autre 8 années, na'am. Un 7 et l'autre 8. Et il faisait beaucoup de sirfa, de prière sur le prophète sallam et de du'a. Et Allah Azza wa Jalla lui a accordé des jumelles. Walillah ilhamdu wal minna, elles sont vivantes, elles marchent, elles courent, elles jouent. Elles apprennent mal. Tayyib. Et un autre, Allah Azza wa Jalla lui a donné un fils. Tayyib. Qu'il a appelé Madha Yunus. Aslahahullah. Donc, subhanallah. Wallah, des frères viennent te voir. Tu sais que leurs épouses sont stériles et qu'ils sont mariés depuis de nombreuses années. Et un jour, il te dit Alhamdulillah, mon épouse attend un enfant. Tu t'étonnes, mais en vrai, wa ma dhalika ala Allah bi'aziz. Cela n'est nullement difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Et c'est une épreuve. D'avoir un enfant, c'est une épreuve. Est-ce que tu vas être reconnaissant? Est-ce que tu vas l'aider comme il plaît à Allah? Tu vas l'éduquer comme il plaît à Allah? Hein? Et de ne pas avoir d'enfant également, c'est une épreuve. Est-ce que tu vas être patient? Est-ce que tu vas être endurant? Est-ce que tu vas accepter ce qu'Allah a décrété? Wahakada. Et si tu n'arrives pas à avoir d'enfants, ou bien que tes enfants sont morts en bas âge, rappelle-toi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a enterré ses enfants et qui a vu toutes ses filles décédées de son vivant, excepté Fatima radiallahu anha. Et nombreux sont les fawaïd. La'alla naktafi bi-dhalik. Tayyib. On finit par un hadith qui réunit toute l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Qui peut me citer un hadith dans Arba'in Nawawiyya, nous l'avons étudié, qui réunit tout ça? Un homme contre tout son peuple se réunissent pour le brûler et finalement leur manigance, leur stratagème n'aboutit pas. Naam. Vous étiez tous en train de dormir quand on a fait ce hadith-là. Al-Arba'in Nawawiyya, il y a des savants qui disent, tu dois le connaître comme Al-Fatiha. Tu dois toujours avoir un minimum, comme Al-Fatiha. Tayyib, Cheikh Salah Ali Cheikh Hamidahullah Ta'ala Waffaqah, dit, Talibul-ilm doit toujours avoir un minimum de hibd. Il doit avoir un minimum. Vous savez quel est le minimum dans le hadith? Al-Arba'in Nawawiyya. Il dit, tu dois le mémoriser comme Al-Fatiha. Par exemple, si l'imam n'est pas là pour le khutbah, il dit, tu montes sur le minbar et t'akhra le hadith. Wa tashrahu. Ça, c'est le minimum. Tu dois connaître Arba'in Nawawiyya avec son sharh. Hein? Si l'imam n'est pas là, comment tu fais? Hein? Là, ben, ça doit rester le Coran. Rester le Coran, inshallah. Donc, quel est ce hadith? Et Allah, la moitié du hadith. Soit le début du hadith, je vous aide. Soit je veux le début du hadith numéro 19. Là, je vous ai tout donné. Hein? Je vous ai tout donné, il y a juste à le dire. Soit vers la fin ou le milieu d'un autre hadith. Barakallah, fi hadith ibn Abbas. Hein? An Abi al-Abbas, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, qala. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات يحفظ الله يحفظك يحفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمع أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. طيب حديث c'est يعني résume toute la قصة d'Ibrahim عليه السلام depuis le début. Ô jeune homme, je vais t'en prendre quelque part. Préserve Allah, il te préservera. Que signifie préserve Allah? Hein? C'est-à-dire préserve les limites d'Allah. Préserve les droits d'Allah, il te préservera. Ibrahim alayhi salam, haqqaqa at-tawhid. Il a perfectionné le tawhid, concrétisé le tawhid et a préservé les limites d'Allah. Alors Allah l'a préservé. Yahfad Allah, yahfadk. Préserve Allah, tu le trouveras toujours devant toi. Dans toutes tes affaires, il y aura Allah Azza wa Jalla pour t'aider. Lorsque tu recherches l'aide, recherche-la auprès de qui? Auprès d'Allah. Taïb. Lorsqu'il a été dans son problème, il a recherché l'aide auprès de qui? Le secours auprès de qui? Auprès d'Allah. Et sache que si toute la communauté s'unit pour te toucher d'un mien, ils ne pourront pas le faire sauf ce que Allah t'avait écrit. Et la shahid, et si toute la communauté s'unit pour te toucher d'un mal, ils ne pourront pas le faire sauf ce qu'Allah t'avait déjà écrit. Et c'est ce qui s'est passé, ils se sont tous réunis pour faire un mal à Ibrahim. Ibrahim était tout seul, et il était une umma en même temps. Inna Ibrahim kana ummatan. Allah Azza wa Jalla l'a sauvé. Allah Azza wa Jalla l'a sauvé. Donc celui qui préserve les limites d'Allah, Allah Azza wa Jalla s'occupera de lui ainsi. As'al Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana mimman haqqaqa at-tawhid. Allahumma ya hayyu ya qayyum waffiqna إلى كل خير واهدنا إلى سواء السبيل وصل اللهم على نبينا محمد وعلى نبينا إبراهيم وكما صلي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.